m'agisse vers le public. Et j'existais. À 15 000 francs la visite, ça devenait dur de m'oublier. L'argent, je m'en foutais, je savais même pas à quoi le dépenser. Mais pour le Dugommier, 15 000 francs, ça comptait. Avec sa pauvre mère, ça faisait un vide qui était moi. Des privations dont chacune était moi. On peut exister aussi par le vide qu'on fait. Voyez l'aspirateur. Eh bien, cet effort que je faisais pour les rejoindre, pour être encore avec eux, ce que je n'ai pas pu leur pardonner, c'est de l'avoir méprisé, de l'avoir rendu stupide, ridicule, dérisoire. Parce qu'un jour, j'ai compris qu'ils me prenaient pour un fou, moi. Moi qui criais vers eux, moi qui leur tendais les bras, moi qui leur parlais raison. Un fou, tout s'expliquait. Leur regard, leur gentillesse, Dugommier qui m'écoutait. Pensez qu'un jour je suis resté chez lui 3 heures et un quart à le torturer. Vous croyez qu'il serait fâché? Rien du tout. Oui, Émile, vous avez raison, Émile. Et Hortense, pareil. Oui, Émile, tu as raison, Émile. M'entourant d'ouate, comme un enfant, comme un malade, comme un ivrogne. La peur autour d'eux, comme un brouillard entre eux et moi. Hortense est entrée par le fond et sans voir Magis va jusqu'à la commode. Magis. Hortense! Oh, tu étais là? Tu m'as fait peur. Magis vers le public. Peur? Pourquoi je lui faisais peur? Je tirais mon canif. Un petit canif, pourtant. Regardez-la, elle tremble. Hortense sort. Avais-je mérité ça? Avais-je mérité d'être ainsi bafoué, supprimé jusque dans ma raison? Qu'ils m'aient détesté, ça va. Mais avais-je mérité leur peur et toutes ses conséquences? Un jour, j'avais besoin d'un mouchoir. Il va vers la commode, ouvre un tiroir et en ramène un objet qu'il regarde avec stupeur. Il revient vers le public. Un revolver. Dans le tiroir d'Hortense. Il ouvre la gaine et déchiffre le nom de l'armurier. Hurluveau. Armurier, Saigon. Saigon ! Le revolver de Dugommier. Tout devenait clair, leur peur, leur regard. Il me fait peur, tu sais, Victor, il est fou. Alors Dugommier lui avait donné son revolver. Pour s'il avait une crise, avec un fou, il faut s'attendre à tout. Un revolver, contre moi, comme une bête. Mais c'est que ça changeait tout, ce revolver. La minute d'avant, je n'étais qu'un cocu. Un cocu comme tous les autres. À cause de ce revolver, voilà que je devenais un homme traqué, un homme dans les périls, qui devait songer à se défendre. À se défendre, et qui venait d'en trouver le moyen. Parce qu'enfin, il était encore libre, le revolver. N'est-ce pas? Et j'ai vu devant moi tout mon plan. Il va vers la commode, remet le revolver dans le tiroir. Hortense entre par le fond en chapeau. Magis. D'où viens-tu? Réponds. Tu as encore vu Dugommier, n'est-ce pas? Tu reviens d'un rendez-vous. Hortense. Émile, je te jure. Magis. Ne jure pas, je le sais, tu le vois encore. Moi qui t'ai pardonné, ce salaud, ma femme, je le sais, je te dis. Hortense. Émile, je te supplie de me croire. J'étais chez maman, tu peux lui demander. Magis. Pas si bête, tu l'as mise dans le coup. Les mères, il faut bien que ça serve à quelque chose. Je peux lui demander. Si ça se trouve, elle me donnera même le détail, le cinéma, les galeries Lafayette. Pendant ce temps, tu te vautrais avec Dugommier. Hortense. Ce n'est pas vrai. Magis. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'était hier. Un de mes collègues t'a vu, rue Tronchet, sortant d'un hôtel. Hortense. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été rue Tronchet. Magis. Jamais? Hortense. Jamais, je te le jure. Magis. Une fois encore, je veux te faire confiance. Mais il me faut une preuve. Tu vas lui écrire une lettre de rupture. Hortense. Mais puisque je ne le vois plus, depuis longtemps. Magis. Raison de plus. Ta lettre ne fera que confirmer. Hortense, haussant les épaules. Si tu veux. Magis bondit jusqu'à l'armoire. Il prend une pochette de papier à lettres, une plume, un encrier, vient disposer le tout sur la table. Magis. Installe-toi, je vais te dicter. Mais je dicte. Hortense hausse encore les épaules, s'installe devant la table. Magis vers le public. Mais oui, Émile, si tu veux, Émile. La peur et le mépris, mêlés. Un fou, n'est-ce pas, dont on a peur, mais devant qui on ne prend même pas la peine de cacher ses pensées. Toutes ces petites pensées, visibles à l'œil nu. Pensant déjà à son coup de téléphone. « T'en fais pas pour ma lettre, Victor. Il piquait sa crise, j'écris ça pour le calmer. » À Hortense. « Un brouillon, d'abord. C'est sérieux, une lettre de rupture. Il faut poser ses termes. » Dictant. « Monsieur. » Non, d'abord la date. Et mais Victor, c'est plus naturel. Victor, virgule, à la ligne. « Il y a 4 mois déjà, je vous ai signifié. » Hortense. « Normalement, je le tutoie. » Magis. « Dans une lettre de rupture, on ne tutoie pas. » Dictant. « Je vous ai signifié que je ne voulais plus vous voir. Malgré cela, vous n'avez pas cessé de me poursuivre de vos propositions. Ces choses-là doivent cesser. Vous avez déjà fait trop de mal à un foyer qui, virgule, avant votre venue, virgule, était heureux et uni. Hortense ne peut retenir un sourire. Magis vers le public. Vous avez vu ce sourire? On voudrait pouvoir pardonner aux êtres. Eux-mêmes vous en empêchent. Reprenant sa dictée. Heureux et uni. Je vous demande instamment de ne plus chercher à me voir. Ce serait d'ailleurs inutile, car je n'ai plus que mépris pour vos larmes, vos menaces. Hortense. Il ne m'a jamais menacé. Magis. C'est moi qui dicte ou toi? Vos menaces. Désirant agir en toute loyauté avec mon mari, je lui montre cette lettre. Comme je lui montrerai celle que j'attends de vous, vous y donnerez, je l'espère, votre parole de ne plus chercher à me voir. Voilà, recopie. Au public. Elle l'a recopiée. J'ai gardé le brouillon. Deux jours plus tard, elle m'a montré la réponse de Dugommier, dans le sens voulu, promettant que, jurant que, assurant qu'il n'avait pour moi que de l'estime. Pour ce que ça lui coûtait, ce qu'ils ont dû se foutre de moi. Patience. J'ai fait semblant d'être content. Pour fêter ça, je lui ai même offert un gueuleton à Hortense, au restaurant, sur le compte de Dugommier. J'ai laissé passer deux semaines, le temps qu'il se rassure. Puis, un jeudi, j'étais chez le médecin. Je me suis lamenté, il m'a donné 6 jours de congé. En rentrant, je dis à Hortense... J'ai pris congé demain. Hortense. Demain? Magis. Oui, demain, vendredi. Il a les yeux fixés sur Hortense. Il a un bref sourire, puis reprenant son ton bonhomme. Je veux aller à Meaux, chez ma mère. Ça fait des siècles que je ne l'ai plus vue, la pauvre vieille, depuis l'enterrement de Justine. Hortense. C'est une bonne idée. Magis. J'ai un train à 2h12, je rentrerai peut-être un peu tard. Hortense. Prends tout ton temps, pour une fois que tu vas chez ta mère. Hortense sort, Magis vers le public. Je l'ai pris, mon temps. Le lendemain, jusqu'à midi, j'ai flâné dans l'immeuble. J'ai fait la causette avec la concierge. La concierge apparaît sur le palier, balayant. La concierge. Vous n'allez donc pas au ministère ce matin, monsieur Magis? Magis. J'ai pris un petit congé, Mme Nabur. Faut parfois laisser reposer la machine. La concierge. C'est bien juste, hein, monsieur Magis. Magis. Je reprends le revolver. Il va vers la commode, prend le revolver. Le regarde prudemment en se servant de son mouchoir. Chargé. Ah, les salauds. Il met le revolver dans sa poche. Hortense rentre. Magis. Bon, mais là-dessus, je me taille. À ce soir. Hortense. Embrasse bien ta mère pour moi. Magis venant sur le devant de la scène. Je fais quelques courses dans le quartier. Chez l'horloger pour faire réparer ma montre. Chez le papetier pour acheter un crayon. En chipotant, me faisant remarquer. Parlant de mon congé. Des sucres d'orge pour la petite. Puis je vais au café en face de chez moi. J'attends. Je vois passer Dugommier. Il entre. Je le suis. Je monte l'escalier. Dugommier est entré. Hortense se jette dans ses bras. Magis met ses gants. Il va jusqu'à la porte, se penche un instant pour regarder par le trou de la serrure, ouvre la porte. Il tient le revolver. Hortense fait un pas pour se détacher de Dugommier, tandis que Dugommier reste pétrifié. Magis. Ayez pas peur, monsieur Victor. Pour vous, ce sera autre chose. Il tire. Hortense s'écroule. Magis jette son revolver devant Dugommier et fuit en hurlant. « Au secours! À l'assassin !» Il enlève ses gants et les met dans sa poche. « Au secours! Il a tué ma femme! Il veut me tuer! Au secours !» Dugommier est resté à sa place pétrifié. La concierge accourt. La concierge. « Monsieur Magis! Monsieur Magis !» Un noir. Lorsque la lumière se rétablit, nous sommes à la cour d'assises. Dans le fond, le président. À droite, l'avocat général. Au centre, entouré par son avocat et deux gardes, Dugommier. À l'avant-plan, Magis. L'avocat général. C'est vous, Dugommier, le président. Vous qui avez tué, l'avocat général. Toutes les apparences, le président. Toutes les vraisemblances, l'avocat général. Simple, clair, logique, évident. Congédié par sa maîtresse, Dugommier la poursuit de ses assiduités, de ses supplications, de ses menaces. De ses menaces, messieurs. Le terme est repris dans la lettre que la victime nous a laissée comme un acte d'accusation irréfutable. Fou de passion, Dugommier relance encore la malheureuse. Croyant le mari absent, il se rend chez elle. La victime résiste à ses objurgations, à ses nouvelles menaces. Le mari survient, Dugommier perd la tête, il tire. Dugommier sort enfin de sa stupeur. « Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai !» L'avocat général. « Qu'est-ce qui n'est pas vrai, Dugommier ? Rien, pas un mot !» L'avocat général. « Car Dugommier nie tout, messieurs, même les évidences. C'est plus simple. » Dugommier. « C'est Magis qui a tué !» L'avocat général. « Pourquoi aurait-il tué alors que sa femme vous résistait ?» Dugommier. « Elle ne me résistait pas !» L'avocat général. « Bravo, vous salissez votre victime maintenant !» Dugommier. « Je l'aimais, nous nous aimions !» L'avocat général. « De deux lettres qui figurent au dossier et dont l'une est de vous, il résulte clairement que la liaison était rompue. » Dugommier. Ces lettres étaient défuntes. L'avocat général. C'est vous qui le prétendez. Mais alors, pourquoi alliez-vous relancer la victime jusque chez elle? Dugommier. Je n'allais pas la relancer, elle m'avait donné rendez-vous. L'avocat général. Chez elle? Une femme mariée? Dugommier. Elle ne pouvait pas sortir à cause de la petite. Nous pensions que Magis n'avait plus de soupçons. Il était toute la journée au ministère. L'avocat général. Sauf ce jour-là! Comment espérez-vous nous faire croire que la victime vous aurait donné rendez-vous chez elle alors que son mari était en congé et qu'il risquait d'être là? Dugommier. Elle ne savait pas qu'il était en congé, certainement. L'avocat général. Tout l'immeuble le savait. Les voisins, les fournisseurs. Nous avons le témoignage de l'horloger, du papier, de la concierge. Comment la victime aurait-elle pu être la seule à ignorer que son mari avait pris congé? L'avocat. Il reste qu'il y a quelque chose de suspect dans ce congé pris pour maladie, alors que Magis n'était pas malade du tout et qu'il se promenait. L'avocat général. Mon Dieu, maître, si tous les congés de maladie n'étaient jamais pris que pour maladie. Dugommier. Mais c'est Magis qui a tiré. L'avocat général. Avec votre revolver, acheté à Saïgon, vous allez peut-être prétendre que Magis a été jusqu'à Saïgon pour en faire l'emplette. Dugommier. Je l'avais donné à Hortense. L'avocat général. Pourquoi? C'est un curieux cadeau à faire à une femme. Dugommier. Parce qu'elle craignait les violences de son mari. L'avocat général. Pourquoi aurait-elle dû les craindre? Elle avait rompu avec vous. Magis avait pardonné. Dans ces conditions, pourquoi sa femme aurait-elle dû redouter ces violences? Ces violences! Monsieur, vous avez vu Magis. Vous avez entendu son chef de bureau. Magis est un joyeux de riz. Vous avez entendu son beau-père. Tout ce qu'il aimait, c'était de jouer aux cartes. Vous avez entendu la concierge, il venait me faire la causette. Tel est l'homme qu'on nous présente ici comme une brute contre qui fallait se défendre, les armes à la main. Dugommier, vous ne savez pas qui est Magis, c'est un homme effroyable. L'avocat général, mais dans votre lettre, vous l'assuriez de toute votre estime. Dugommier, c'était pour le calmer. L'avocat général, donc vous mentiez. Dugommier, oui si on veut. L'avocat général. Mais si vous mentiez si bien dans vos lettres, qui nous dit que vous ne mentez pas mieux encore dans cette enceinte? Dugommier. Magis, c'est un fou! L'avocat général. Un fou ou une brute? Il faudrait s'entendre. Dugommier. Un fou capable de tout! L'avocat général. Je préfère vous prévenir, Dugommier, dans votre propre intérêt, que rien ne pourrait vous nuire davantage que ce système de défense où, tour à tour, vous vous efforcez de salir et votre victime et ce malheureux veuf. Les visites intéressées, le coup du portefeuille. Vous avez entendu, messieurs, le coup du portefeuille, face ici de palais royal dont un Magis est bien incapable. Encore faudrait-il, Dugommier, dans vos calomnies, mettre un peu plus de cohérence. Si Magis était vraiment ce mari infâme, monnayant son déshonneur, c'était donc qu'il l'acceptait, ce déshonneur, qu'il la tolérait, votre liaison. Pourquoi, alors, aurait-il tué? Pourquoi aurait-il tari cette source de revenus? Et d'autre part, s'il était d'accord, s'il se faisait payer, pourquoi ces lettres? Pourquoi avoir dû feindre une rupture? Vous nous l'avez dit encore il y a un instant, nous pensions que Magis n'avait plus de soupçons. Alors, pourquoi auriez-vous toléré son chantage? Pourquoi auriez-vous accepté de payer? Dugommier écrasé. Il me faisait peur. L'avocat général. Regardez Dugommier, messieurs. Regardez Magis. Qui devait faire peur à l'autre? À Dugommier. Vous êtes deux fois plus robuste que lui. Magis vers le public. À son tour, au Dugommier. À son tour de voir l'œuf devant lui. Un œuf fermé de toutes parts. Moi caché dedans, ne laissant rien dépasser. L'avocat général. Supposons d'ailleurs un moment que Magis soit vraiment cette brute et ce fou. Cela n'expliquerait toujours pas comment il aurait pu être en possession de votre revolver. Votre revolver, Dugommier. Dugommier. Il a pu le trouver. L'avocat général. Il a pu. Simple hypothèse. Et où l'aurait-il trouvé? Dugommier. Là où Hortense l'avait mis. L'avocat général. En supposant que vous l'ayez donné à Hortense. Autre hypothèse que rien ne vient étayer. Et ce revolver qui passe par tant de mains ne porte toujours que vos empreintes. Les experts là-dessus sont formels. Dugommier. Évidemment, il était dans une gaine. L'avocat général. Ah oui, la gaine. La fameuse gaine que personne n'a jamais vue. Où est-elle passée, cette gaine? Magis en confidence vers le public. Dans la Seine, près du pont Neuf, à deux pas. L'avocat général. Et Magis a tiré sans sortir le revolver de sa gaine. J'aurais voulu voir ça. Dugommier. Il avait des gants. L'avocat général. Des gants qui laissaient vos empreintes. Amusant. Dugommier. Puisque c'était le mien. L'avocat général. Vous avouez donc? Dugommier. Je n'ai jamais nié, l'avocat général. Vous l'entendez, messieurs? Il n'a jamais nié. Dugommier. Ce revolver porte mes empreintes parce qu'il était à moi. Il ne porte pas celle de Magis parce que Magis avait des gants. L'avocat général. Toujours les gants. Cet accessoire de toilette vous préoccupe beaucoup. Malheureusement, le témoignage de la concierge est formel. Magis, ce jour-là, ne portait pas de gants. Elle a même ajouté qu'il n'en portait jamais. Magis est un modeste employé. Il possède une paire de gants pour les mariages, les enterrements. Il n'est pas homme à en mettre pour faire quelques courses dans le quartier et en plein mois de mai. Dugommier. Il a pu les mettre à dessein. L'avocat général. Bien sûr. Dans le dessein de quoi? Dugommier. De nous tuer. L'avocat général. Vous oubliez que de votre propre aveu, Magis croyait la liaison rompue. Comment, dès lors, aurait-il pu prévoir qu'il allait vous trouver chez lui et par-dessus le marché, précisément le jour où, en raison de son congé, ce rendez-vous était impossible? Il faudra alors supposer que sa femme eût été d'accord avec lui, d'accord pour se faire surprendre, d'accord pour se faire tuer, elle, Dugommier, car vous dites « pour nous tuer ». Vous oubliez un détail, vous êtes vivant, Dugommier. Je ne sais pas, je ne sais plus, mais ce n'est pas moi qui ai tué, je le jure, ce n'est pas moi. L'avocat général. D'un côté, des hypothèses, des suppositions, des invraisemblances. En face, des faits. Une arme, des empreintes, des lettres, des contradictions flagrantes, un mobile, des raisons. Messieurs les jurés apprécieront. Magis vers le public. Ça, pour apprécier, ils ont apprécié. Le président se lève et prononce un brodouillis de mots d'où émerge la phrase. Condamne Dugommier Victor Jules Amédée à la peine de 20 ans de travaux forcés. Le président, l'avocat général, l'avocat Dugommier se fige, tandis que Magis a ce geste horizontal qui signifie que tout a parfaitement fonctionné. Magis. Le système. Rideau.